quelques heures d'avance. Brisez un instant la loi du silence qui pèse aussi lourd qu'un boulet au pied et empêche l'amour de mieux respirer. J'ai pris un témoin l'ombre sur les murs, ces foutus chagrins qui vous défigurent. Quand la nuit s'achève, quand revient le matin, pire qu'un mauvais rêve, un rêve qui rime à rien. Comme si tous les chemins jardin.